Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ensemble terminer avec une autre histoire qu'on connaît bien, Marthe et Marie qui rencontrent Jésus à Béthanie. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, instruis-nous encore une fois, guide-nous. Combien nous voulons prendre le temps de saisir les textes dans leur contexte. Oh, béni Seigneur, bénis-nous. Pendant qu'on médite les Écritures, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Nous voulons que le Fils nous révèle le Père, que le Père nous révèle le Fils. On veut toujours vous connaître plus, parce que nous sommes déjà en relation avec toi et avec le Fils, par l'Esprit Saint que tu nous as donné. Donc, guide-nous pendant ces méditations. Amen. Donc, comme je le répète depuis quelques jours déjà, il faut prendre chacune de ces histoires-là qu'on va voir dans les semaines qui viennent et les étudier dans le contexte de Luc, dans ce que Jésus est en train de vivre, dans ce qui se passe dans sa vie, dans ce qui se passe dans la vie des gens alentour de lui, avant de vouloir l'appliquer pour nous. La plupart du temps, vous avez probablement entendu cette histoire des deux femmes, on encourage les chrétiens à être pas trop occupés par les choses de ce monde et à prendre plus de temps à lire la Bible, à se mettre au pied de Jésus pour lire la Bible et comprendre Jésus. Mais on va voir que ça va être différent de cela. Je crois que c'est différent de ça. C'est pas le but. C'est jamais le but avec Luc et Théophile. Le but de Luc, c'est de montrer à Théophile de ce qu'il a entendu était vrai. Il a fait qu'il soit certain de tout ce qu'il a entendu au sujet de Jésus et au sujet des apôtres dans son deuxième livre. Il veut convaincre des événements qui se sont passés afin de pouvoir être une bonne autorité romaine et bien juger s'il a besoin de juger les situations. Et je crois en même temps qu'il veut qu'il devienne un croyant, qu'il devienne un enfant de Dieu, lui-ci. Mais Jésus est sur le chemin qui mène à Jérusalem. On sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Pendant qu'il monte, là, il va arriver à Béthanie. Donc, il n'est pas loin de Jérusalem, chez Marthe et Marie. Qu'est-ce qui se passe là? Et si j'ai bien compris et que Jésus est bien en train de vouloir condamner Israël, d'avoir rejeté son Messie et qu'il va le crucifier bientôt, il faut faire attention de bien lire cette histoire-là, comme on a bien lu l'histoire hier du Samaritain. Donc, on va commencer en le lisant. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Jésus avait un ministère itinérant. Comme il avait appelé les 12 à avoir un ministère itinérant quand il les a envoyés, comme il a envoyé les 70, il avait aussi qui était itinérant, Jésus était comme cela. Donc Jésus n'avait pas de maison précise, n'avait pas de gagne-pain précise pendant son 3 ans de ministère. Donc il allait de ville en village et les gens qui aimaient son enseignement, qui le voyaient comme étant le Messie, ou comme un prophète, ou comme un envoyé de Dieu, il le recevait dans sa maison et s'occupait de lui. Il y en a même qui donnaient des sous, il y avait une bourse, hein, comme on sait que Judas maintenait la bourse, donc il était reçu dans la maison. Et le fait de recevoir dans la maison un prophète, ça démontrait qu'on recevait son enseignement, sa façon d'agir. C'est pour ça que dans Jude, si je me trompe pas, il va dire, ne les saluez pas, ne les recevez pas dans votre maison, parce qu'en faisant ainsi, vous allez participer à leur mauvaise œuvre, ces faux docteurs-là. Donc, les faux docteurs, ne leur recevez pas dans vos maisons, ne leur donnez pas à manger. En faisant ça, vous démontrez aux gens que vous acceptez leurs faux enseignements et que vous voulez participer à la proclamation de faux enseignements. Donc, en recevant Jésus, c'était leur culture. En recevant Jésus, dans leur maison, peu importe c'est qui, là, on va voir que ici c'est Marie, Marthe et Marie, mais peu importe qui recevait Jésus, dans sa maison, démontrait qu'il recevait l'enseignement et était d'accord avec cet homme-là comme étant soit un envoyé de Dieu, soit un prophète, ou quoi que ce soit. Ceci dit, on va aller voir maintenant nos deux personnes. Jésus monte vers Jérusalem, il est avec ses disciples, et il entra dans un village. On sait que c'est le village de Béthanie, pas marqué ici. Il dit, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc, c'est Marthe qui reçoit Jésus dans sa maison. Il semble que Marthe qui l'invite dans sa maison. Ou Marthe était-elle avec Jésus, à quelque part avec Jésus, puis là, l'inviter, un peu comme on a vu Simon le pharisien qui avait, après la synagogue, qui avait invité Jésus à aller manger dans sa maison. Est-ce que c'était ça? Ou si elle l'a vu arriver dans le village, puis elle lui a dit, viens manger chez nous. Elle le reçoit dans sa maison. Donc, on semble avoir quelque chose de bien là, qui se passe entre Marthe et Jésus. Elle avait une sœur nommée Marie. Et elle, Marie, quand Jésus est entré dans la maison, ce qu'elle fait au verset 39, elle va s'asseoir au pied du Seigneur et écouter la parole qu'il prêchait. Elle le reçoit, mais d'une autre façon, elle. Au verset 40, là, ça devient plus stressé un petit peu. Mais, occupé aux divers soins domestiques, Jésus est là dans la maison. Mais elle est occupée aux soins domestiques. Elle ne prend pas le temps, à ce qu'on peut voir, d'écouter Jésus et sa parole. Mais là, elle va plus loin que pas s'asseoir au pied de Jésus comme Marie. Elle vient voir le Seigneur Jésus-Christ et elle le sermonne. « Ça te fait rien, Seigneur, que ma sœur, là, qui est assise à tes pieds, ça te fait rien? » Qu'elle se lève pas et qu'elle vienne m'aider aux soins domestiques. Donc, elle reproche à Jésus, elle reproche à sa sœur aussi d'être assis là et de pas l'aider aux soins domestiques. Elle reproche Jésus de laisser faire Marie. Ça fait rien. Dis-lui qu'elle vienne m'aider. C'est un reproche, n'est-ce pas? Elle fait un reproche à Jésus. Ça prend un peu de culotte, je pourrais dire, pour de faire une décision semblable, reprendre le maître devant tout le monde, reprendre sa sœur devant tout le monde. Et là, Jésus va lui dire quelque chose. Jésus va répondre à cette attaque-là. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de chose. » Je crois pas qu'elle s'attendait à une telle réponse, n'est-ce pas? Je pense pas qu'elle pensait que Jésus répondrait cela. Elle était certainement convaincue qu'elle avait raison. Elle était certainement convaincue que sa façon de voir était bonne. Mais elle reflète la pensée humaine. Elle reflète le cas humain. Et je dirais personnellement qu'elle reflète la pensée d'Israël à ce moment-ci. Jésus, en condamnant Marthe, condamne Israël. Ce qu'on a vu depuis 9 chapitres et demi maintenant. Israël se souciait de beaucoup de choses, s'agitait pour beaucoup de choses. N'est-ce pas? Ce qu'on voit, ils s'agitent pour beaucoup de choses. Ils sont occupés à toutes sortes de choses. Il y en a qui viennent voir Jésus pour toutes sortes de raisons. Mais Jésus dit, ma. C'est pas toi qui as la bonne façon de voir les choses. C'est pas toi qui agis comme faux. C'est ta sœur, Marie. Il a dit au verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Donc, qu'est-ce qu'elle avait choisi, Marie? Elle avait choisi Jésus et l'enseignement, la parole. Remarquez bien ici. Ne poussez pas ça dans l'Église. Ne poussez pas ça tout de suite dans la Nouvelle Alliance. Comprenons-le là, avant la Nouvelle Alliance, avant que Jésus meure, avant la Pentecôte, avant la résurrection, avant la venue du Saint-Esprit. On est deux femmes ici, dans l'Ancienne Alliance, sous la loi, comme Jésus, sous la loi, qui pratiquent la loi, qui vont à la synagogue, qui vont au temple, qui pratiquent encore les cérémonies, et qui font cela comme deux femmes juives. Elle, elle a choisi la bonne part. Elle reçoit le royaume de Dieu. Comme Jésus avait envoyé les 70 plus loin. Dites-là, le royaume des cieux est venu parmi vous. Le royaume des cieux est venu parmi nous. Et si Marie, Marthe vient à Jésus et elle demande à Jésus de régler une de ses inquiétudes, une de ses agitations. Ma sœur m'aide pas. Je suis pogné dans les soins domestiques. Seigneur, règle mon problème. Règle mon inquiétude. Règle mon agitation. Dis à ma sœur qu'elle vienne m'aider. On s'inquiète pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? On s'inquiète pour beaucoup de choses dans ce monde. Jésus en a parlé à différentes places dans son ministère. Ne vous inquiétez pas de vos vêtements, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu, de ce que vous allez boire, et de ce que vous allez vivre, et de rallonger votre vie d'une coulée. Ne vous inquiétez pas! Ne vous agitez pas! Je suis pas là pour régler ces problèmes-là. Je suis venu pour vous amener le royaume de Dieu. Comme on a vu hier, je suis venu pour vous révéler le Père. Il dit, Marie a choisi la bonne chose, celle qui est nécessaire. C'est bien sûr que c'est pas la chose nécessaire pour se remplir le ventre. Et si je fais juste manger la parole, toujours assis au pied de Jésus, Jésus va mourir, puis moi je vais mourir. La chose nécessaire, c'est la chose qu'on peut pas se passer. Alors, je peux me passer de nourriture pour un temps. Mais la chose essentielle, la chose que je peux pas me passer, c'est la parole de Dieu. Je dois l'avoir. Elle doit être dans ma vie. Je dois être assis au pied de Jésus. Je dois avoir Jésus comme Messie et comme maître et comme enseignant. C'est Jésus ici, la parole de Dieu. C'est pas, la parole, c'est quelque chose à part de Jésus. T'as la parole, t'as Jésus, t'as la parole. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. C'est lui, la parole de Dieu. C'est lui, le représentant du royaume de Dieu sur la terre. C'est lui, le royaume de Dieu. Elle a choisi la chose nécessaire, qui ne lui sera point ôtée. Je ne vais pas l'empêcher. Je ne vais pas lui dire d'aller avec toi et de s'inquiéter et de s'agiter avec toi, Marthe. Elle a choisi la bonne part. Comment est-ce qu'on applique ça maintenant pour nous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les chrétiens? C'est ce qu'on a fait. On a fait comme Marie. C'est pas qu'on doit faire comme Marie, c'est qu'on a fait comme Marie. Un jour, on a décidé de prendre Jésus, que ce soit lui qui nous enseignait. C'est lui qui va devenir notre maître. On est devenu son disciple. C'est pour ça que Jésus dit, allez dans le monde, faites des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. On a décidé de devenir des étudiants, des disciples de Jésus. C'est décidé. On s'est mis un jour au pied de Jésus. On a arrêté de s'inquiéter pour toute chose. Et on a dit, Seigneur, j'arrête de m'inquiéter pour toute chose et je cherche d'abord le royaume de Dieu. Je veux t'avoir, toi, comme maître, comme messie, comme roi, comme Seigneur, comme sauveur. Tu es mon maître, tu es ma lumière, tu es ma vérité. Je me scie à tes pieds pour toujours. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, ça ne veut pas dire que je ne mange pas, ça ne veut pas dire que je ne dors pas. Mais Jésus, c'est mon maître, c'est mon Seigneur. C'est mon Messie, c'est mon Sauveur. J'ai fait comme Marie. À cause que Marie s'est mise aux pieds de Jésus, il dit, ça lui sera jamais enlevé. Le jour que j'ai décidé de me mettre aux pieds de Jésus et qu'il devenait mon maître et que je devenais son disciple, son étudiant, cela ne me sera jamais enlevé. Par Jésus ou par Dieu, ou qui que ce soit. Ce texte-là n'est pas écrit pour sermonner le chrétien qui lit pas assez sa Bible. Ceci était écrit pour qu'on comprenne. Israël, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a juste une chose nécessaire. C'est moi. C'est la seule chose dont tu peux pas te passer. Alors, tu peux être malade et mourir. Si tu mens, t'es correct. Tu peux être pauvre, mais si tu mens, t'es correct. Alors, tu peux être riche, mais t'as rien si tu mens pas. Tu peux être en santé, mais tu n'as rien si tu mens pas. Tu peux être occupé à multiples choses, mais si tu mens pas, t'as rien et t'es condamné. Vous savez, il y a beaucoup de monde, à cause de leur inquiétude et de leur agitation dans ce monde, viennent à Jésus pour que Jésus règle leur inquiétude et leur agitation. L'inquiétude peut être spirituelle. L'inquiétude peut, ça peut être la peur de l'enfer ou de la mort. Mais des fois, c'est toutes sortes de problèmes dans la vie qu'on voudrait que Jésus règle. Il y en a qui viennent à Jésus pour les problèmes de santé, ils veulent avoir des miracles. D'autres viennent à Jésus pour des problèmes financiers, puis ils voudraient que Jésus règle les problèmes financiers. D'autres viennent avec des problèmes, s'agitent pour des problèmes conjugaux. D'autres s'agitent pour des problèmes parentaux, ou sociaux, ou économiques, ou politiques. Ils viennent à Jésus pour régler un paquet d'affaires dans leur vie. Jésus dit non. Tu viens à moi pour moi. Tu viens t'asseoir à mes pieds pour que je devienne ton maître, ton enseignant. Tu veux avoir la parole de moi. Tu veux avoir ma parole. Si c'est pas ça, si t'es pas venu à Jésus pour ça, pour qu'il devienne ton maître, ton seigneur, ton roi, et que tu puisses le servir, le louer tous les jours de ta vie. Moi, je te dis, arrête. Arrête. Prends la décision de t'asseoir une fois pour toutes aux pieds de Jésus. Et cette chose nécessaire ne te sera jamais enlevée. Notre bon Père du ciel, puisses-tu être béni éternellement. Puisses-tu être béni. Puisses-tu être loué, exalté pour nous avoir amené la parole. Oh, il est vrai. La seule chose nécessaire, c'est Jésus. Si j'ai Jésus dans ma vie, dans mon cœur, si j'ai Jésus comme Seigneur, comme Maître, comme Sauveur, j'ai la seule chose nécessaire qui ne me sera jamais enlevée. Merci, mon Dieu. Amen.